mes origines, oui. C'est mes racines, yo. Mes origines, oui. Mes racines, papa, yo. Papa, on prend la route, ce soir on part très loin. Repose-toi, tu sais que je t'aime bien. On a la bague, le témoin, la famille a fait le plein. Doucement, te presse pas, tu sens n'est que le destin. L'odeur du fiestin, les chéris qui se marient. Klaxonné, on est six dans le taxi. J'ai rêvé d'un désert près d'un oasis. Le sable fait complet où le soleil est l'artiste. La lumière nous donne tout. Il y a de la place pour tous. Viens faire un tour, tu m'as fait au couscous. L'ambiance du mélange, on quitte la ville. Appelle-moi chef du village. On a semé la paix mais ils ont arraché tout. J'ai planté Olivier mais y'a plus de Zétoune. On a cherché le puits mais ils ont bouché le trou. J'ai planté l'espoir mais son cœur n'a pas le goût. Salam, salam alaikum. Salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam alaikum. Mes origines, oui. C'est mes racines, yo. Mes origines, oui. Merci, yo. Je te lâche pas, écoute-moi, ce soir on est que deux. On écrit la paix en arabe ou hébreu. Je te le dis, t'es pas seul, on est si nombreux. La richesse est en nous, donc sortez là un peu. Oui, laissez nos titres, on va prendre la route. Comme une demi-paix, je ferai le poids de ma moutte. J'irai manier le micro, enfin comme une sarbacane. Partager ce plat un peu comme une sadaka. Y'a des larmes et des corps qu'on ne pourra pas oublier. On cache nos douleurs derrière ce monde abîmé. Y'a encore des familles à terre. Est-ce qu'on est des hypocrites? Est-ce qu'on doit y mettre un terme? On a semé l'espoir, écoute le chant que je récolte. Y'a des hectares de haine et des gens qui se révoltent. On a la crème de la crème et toujours pas de pommade. Ils ont plein de remèdes mais guérissent pas le malade. Salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam alaikum. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam alaikum. Mes origines, oui. C'est mes racines, yo. Mes origines, on peut tous vivre ensemble. Mes racines, yo.